Et troisième chose, le sommet de cette affaire, c'est le djihad. Fisabilillah. Le djihad qui est l'ikitakun kalimatullah yal ulya. L'i'la kalimatillah. Que la parole d'Allah soit la plus élevée. Le tawhid. Comme encore le ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnat wa yakuna dinu kulluhu lillah. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion soit entièrement pour Allah. Et ce djihad, également aujourd'hui, est un point de. Il y a un des qui amène beaucoup de polémiques chez les gens qui n'ont pas compris. Le djihad est une adoration, elle est immense. Et quand on regarde bien le parcours prophétique, elle est arrivée en dernier, après le Médina. Quand la foi des croyants elle est bien montée, quand leur force s'est bien instaurée, c'est là qu'ils ont commencé à combattre. Au début, on a dit quoi ? Qu'ils combattaient ceux qui les combattaient, et après, ils commençaient. Donc aujourd'hui, les gens ils ont beaucoup de fougue, beaucoup de Hamas, comme on dit. Ils appellent au djihad, djihad, djihad, djihad. Beaucoup d'entre eux, de petits jeunes, ne savent même pas faire la salat comme il faut. Ils ne connaissent même pas l'acte de tahar, de purification, et ils partent toute la journée de djihad. Celui qui ne fait pas le djihad, c'est un kafir, je ne sais pas quoi. On dit ihdah wa qif 'inda haddik. Calme-toi et arrête-toi à ton niveau. Le djihad, ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas de la fougue, c'est l'adoration. Si là-bas tu l'as fait mal, tu vas faire beaucoup de dégâts. Ce qui se passe aujourd'hui actuellement. Le djihad, les gens sont de deux catégories par rapport au djihad aujourd'hui, comme on voit. T'as ceux, dès que tu parles de djihad, c'est un takfiri pour eux, t'es un djihadiste. Non, on parle pas de djihad, abadan, non, on parle pas de djihad, ils ont peur. Mais pourquoi ? Le message qu'on a là, Zulwatu Sanami, c'est le sommet, c'est le. Pas aucune nuit, non, de l'islam. Comment tu veux pas que j'en parle ? Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yurdis nafsahu, celui qui n'a jamais pensé en lui, ne soit-ce une seule fois que de partir en conquête pour l'islam, il a en lui une branche de l'hypocrisie. Tu veux pas que j'en parle ? Dans le Coran, il y a combien de versets qui en parlent ? Tu veux pas que j'en parle ? Si on en parle, il faut en parler pour apprendre aux gens, comme les ulama disent. Pour leur apprendre les règles. Et qu'ils savent justement que le djihad, on ne joue pas avec. Et qu'on le fait avec les conditions, on ne le fait pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe comment. Et de l'autre côté, tu as les autres qui parlent que ça. Djihad, djihad, djihad, djihad, djihad. Ils sont noyés dans les maasi, dans les péchés, désobéissance. Ils fument, ils écoutent de la musique et parlent de djihad. Tu dis, tu t'as pas compris, toi. Le djihad, c'est combattre ton ennemi extérieur. Et toi, tu as un ennemi intérieur, ton nefs, qui t'appelle au mal, que tu n'arrives pas à combattre. Donc comment combattre l'ennemi extérieur ? Déjà, combat celui qui est en toi. Et ensuite, il se peut que tu auras la force de combattre l'ennemi qui est dehors. Mais tu n'arrives pas à combattre celui qui est en toi ? Celui qui est dehors, tu n'arriveras pas à l'avoir non plus. Car le djihad, il y a des catégories. Il y a le nefs, kazalik, djihad et nefs, que tu combattes ton ego. Djihad et shaitan, tu combattes shaitan. Et les gens aujourd'hui, ils sont pris de Hamas, de fougue. Pourquoi tel pays ne font pas ça ? Pourquoi la Palestine, ceci, cela ? Pourquoi en Tchétchénie, c'est comme ça ? Un tas de questions. On dit pourquoi ? Moi, je n'ai pas la réponse pour toi. Mais ce que je peux dire, c'est apprendre ta religion. Sinon, tu vas t'égarer. On l'a vu. Ceux qui sont rentrés dans ce genre de chapitre, dans ce genre de porte, ils ont ouvert la porte et ils sont tombés. Le djihad, il a des règles. Et les règles, quand tu ne les connais pas, on a des savants pour revenir à eux. En regardant les kutub de fiqh, le djihad, il était en dernier. Dans la bab de fiqh, il ne vient pas en premier. En premier, on a At-tahara. Tu ne sais peut-être même pas ce qu'est ton lozo. Tu ne sais même pas comment faire ta salat. Une femme ne connaît même pas les règles des menstrues. Ils sont en train de parler de djihad. On te dit pas maintenant s'il y a un djihad à faire, tant que tu connais pas l'odo, c'est pas le djihad. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit là, actuellement, là, on est à une époque, là, le djihad en soi, il n'est pas applicable. Les conditions, elles sont pas réunies pour le djihad. Faut pas rentrer dans le sujet de djihad, c'est pas un désastre sur le djihad. Mais les réunions actuellement, là, djihad talab, je parle de conquête, mais alors défense, c'est autre chose. Ce n'est pas en place. Donc toi, profite de ton temps, fais autre chose. Bah, ou un fa ilayk. Allah, spontanément, dans ta tombe, il va pas t'interroger pourquoi tel pays n'a pas fait la guerre contre tel pays. Tu vas pas te calef pour ça. Justement, remercie Allah, t'es pas un gouverneur. Remercie Allah, t'es pas un gouverneur. Ce n'est pas ta responsabilité à toi. Toi, reste à ta place et apprends ce qui te revient à toi, tes charges personnelles à toi, quotidiennes, en premier lieu. Et après, au fur et à mesure, si t'es sincère ou quoi, là, Allah, c'est lui qui fait qu'au café, et la chaîne oukhra. J'espère que par la suite, tu sois moins fort pour comprendre le reste. Et le djihad en soi. Et un jour, Inch'Allah, peut-être tu le feras. Mais tu commences trop vite, quand on court, on s'essouffle. Quand on court trop vite, on s'essouffle très vite. Donc l'islam c'est par étapes. Et ce livre-là nous a appris, qu'on a appris dans Sirat al-Nabawiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les choses par étapes. Il n'est pas arrivé, Jibril est venu pour lui donner la révélation, deux jours après, djihad, à Mecca, Non. Il a souffert. Il a enduré. Il a patienté. Il a appelé. Il a enseigné. Il a subi. Et après, Allah lui a accordé la victoire. Et même cette victoire-là, comme on dit, il a quitté Mekka pour aller à Médina, quitter sa terre natale, sa terre préférée, et le meilleur endroit sur terre pour Allah. Il a délaissé pour Allah pour aller à Médina. Regarde qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il a récupéré Mekka en toute facilité. Il est rentré à Mekka en conquérant et personne ne s'oppose à lui. Faut patienter. Ceux qui se précipitent, ils tombent. Et s'ils tombent, ils peuvent se faire très très mal, comme on le dit souvent. Donc les gens, le peuple de djihad, faites attention. Et surtout attention de qui vous écoutez. Attention à la fougue. Car elle peut coûter très très cher. Voilà. Surtout les petits jeunes qu'on voit, ils ont une fougue, ils ont une rage en eux, mais ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas la compréhension. Ça amène à des dégâts. Ils ont beaucoup de dégâts. En premier lieu eux-mêmes. Et ensuite sur les autres. Car les koufa, elles servent de ça pour s'en prendre aux musulmans. Comme l'expliquait la dernière fois, on a une masoulia, on a une responsabilité. Et quand on fait une chose, notre erreur à nous peut coûter cher aux autres. Ton erreur à toi peut coûter cher aux autres. Le kafir ne va pas dire c'est toi seulement. Il va dire c'est vous. C'est votre religion. Il ne va pas dire non, c'est lui, il n'a pas compris, il s'est trompé. Il va dire c'est vous qui êtes comme ça. Faut faire attention à ça. C'est une nasiha pour nous-mêmes en premier lieu et pour ceux qui nous écoutent d'apprendre la religion. Auprès des gens aptes, avec quiétude et bon comportement et sincérité, surtout sincérité, et qu'Allah accordera le reste par la suite s'il le veut.